Donc, alors le Cheikh Mohamed Abdallah continue, il dit « Ma'arifatu dini islam bil adillati, wa huwa l'istislamu lillahi bil tawhid, wa inqiyadu lahu bil ta'a wal khulus min ash-shirk. » Ces termes-là, on les a traduits tout à l'heure. D'accord ? Dès une soumission complète à Allah, avec l'unicité, il y a un rabaissement à Allah dans son adoration et une sincérité contre le polythéisme. Wa huwa thalathu maratib, il est de 3 degrés. Al-islam, la soumission. Wal-iman, la foi. Wal-ihsan, on laisse le terme ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan, et chaque degré a des piliers. Fa arkanu l'islam khamsa. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Et là, Cheikh Ben Baz, hafizahullah, il commente en disant wa arkanuhu khamsa, et ses piliers sont 5. Shahadatu an la ilaha illallah, l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, et que Muhammad est le messager d'Allah, wa iqamu as-salah, et l'acquittement de la salat, wa ita'u az-zakah, et la donation de la zakat, wa sawmu Ramadan, et de jeûner le mois de Ramadan, wa hajju al-bayt liman istata'a ilayhi sabila, et de faire le pèlerinage pour celui qui en a les capacités. Kama thabata dhalika 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été authentifié d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire rapporté dans un hadith authentique. Sabata veut dire authentique. Hadith thabit comme un hadith sahih, c'est le même terme, ce sont des synonymes. Et quand on dit kama thabata, comme il a été authentifié d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa parole, bunya al-islam 'ala khams, l'islam est bâti sur 5, c'est-à-dire 5 piliers. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa sawmi Ramadan wa hajj al-bayt, apporté par Al-Bukhari wa Muslim. Donc l'islam est bâti sur 5 piliers: l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, que Muhammad est son messager, d'accomplir la salah, de donner la zakat, de jeûner le mois de Ramadan et de faire le pèlerinage. Fa awwal arkan al-islam, le premier des piliers de l'islam, shahadatu an la ilaha illallah, l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Wa biha yadkhulu al-'abdu fi al-islam, et c'est avec cette parole-là que le serviteur entre dans l'islam, c'est la clé de l'islam. Fa yashhadu an la ilaha illallah, il atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Ay, c'est-à-dire la ma'bouda haqqan illallah. Hein? Il n'y a pas d'adorer en vérité, ce n'est Allah. Ça ne suffirait pas de dire la ma'bouda illallah. Il n'y a pas d'adorer si ce n'est Allah. Parce qu'une ma'bouda, il y en a. Il y en a qui adorent des vaches, il y en a qui adorent des statues, ainsi de suite. Les adorés, il y en a. Mais elles sont toutes fausses. Il n'y en a qu'un qui est adoré en vérité. C'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça qu'il explique bien ça. Il dit la ma'bouda haqqun illallah. Donc, il n'y a pas d'adorer en vérité si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya nafyun wa ithbat. Et dans cette phrase-là, la ilaha illallah, il y a quoi? Il y a une négation et une affirmation. Nafi, c'est la négation. Wa ithbat, c'est l'affirmation. Fa la ilaha nafi. La ilaha est une négation. Il n'y a de Dieu. C'est une négation. Wa illallah, illallah, sauf Allah, si ce n'est Allah, là c'est une affirmation. Donc la première partie de la phrase, c'est quoi? C'est que tu nies qu'il y ait l'existence d'un Dieu. Et dans la deuxième partie, hein, tu affirmes qu'il n'y en a que un qui existe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, yarhamukallah. Le Très-Haut a dit, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous demandons secours. وقال ايدي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يرحمك الله ها اين leur avait été ordonné, il leur avait été commandé que d'adorer Allah sincèrement en lui vouant un culte exclusif. Le verset وقال تعالى للقوادي ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Ceci parce que شفاك الله. Ceci parce qu'Allah, hein, c'est la vérité et ce qu'ils invoquent hormis lui c'est le faux.

recommandation, hein, est à rejeter. Au fil du Walatin, et dans une autre version, Man ahdatha fi amrina haza, ma laysa minhu fa huwa radd. Quiconque innove dans notre enseignement, ce qui n'en fait pas partie, est à rejeter. Ay mardoud, c'est-à-dire qu'il est rejeté. Wa iqamu as-salah wa ita'u az-zakah. Donc la Cheikh Ibn Baz commente ces paroles. Wa dalilu as-salah wa az-zakah, et l'argument, la preuve divine de salat et de zakat, wa tafsir at-tawhid, et l'explication de l'unicité, qawluhu ta'ala, on attrapera le taf, inshallah. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد et l'argument de la salat et de la zakat et l'explication de l'unicité قوله تعالى de la parole du Très-Haut وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة et ne leur avait été recommandé que d'adorer Allah sincèrement lui voulant un culte exclusif et qu'ils accomplissent la salat et qu'ils donnent la zakat, et voilà la religion de la droiture. Wa qala ta'ala, et le Très-Haut a dit, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Mais s'ils se repentent et qu'ils accomplissent la salat et qu'ils donnent la zakat, ils deviennent vos frères en religion. Wa qala ta'ala, et le Très-Haut a dit, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Et s'ils se repentent et accomplissent la salat et donnent la zakat, laissez-les alors dans leur chemin. وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَدَلِيلُ الصِّيَامِ, et l'argument du jeûne, قَوْلُهُ تَعَالَى, la parole du Très-Haut, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Donc, en vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'entre vous. Il a qawlihi subhanah, jusqu'à sa parole glorifiée soit-il, Shahr Ramadan, le mois de Ramadan. Tous ces versets-là, c'est sur l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Ay, anna siyam wajibun alaykum kullu amin fi Shahr Ramadan, c'est-à-dire que le jeûne est une obligation pour vous chaque année lors du mois du Ramadan. Wa hajj bayt Allah al-haram wa dalil al-hajj, de faire le pèlerinage vers la maison d'Allah sacrée. Et l'argument du pèlerinage, qawluhu ta'ala, la parole du Très-Haut. Wa lillahi 'ala an-nas hajj al-bayt. Et à Allah, et un ordre aux gens pour Allah d'accomplir le pèlerinage vers la maison. الآية لفرسي وهو مرة في العمر c'est une fois dans la vie, là il parle de l'obligation. لقول النبي صلى الله عليه وسلم, pour la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, le pèlerinage c'est une seule fois, et celui qui rajoute, ce n'est qu'une il ne fait que des surrogatoires. Tatawwu', c'est ça, c'est surrogatoire. Et je crois que là qu'on va s'arrêter là. Puis après, c'est notre cours. Donc, subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli allahumma ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.